de quartier. Eso, ¿qué pasa aquí en el barrio, loco? Les femelles vont boire, non? Eso, eso, eso, mándale. Es día de los muertos, noche con los palos ancestros y palos nuestros, recuerdo les demuestro. Vamos para adelante a celebrar este luto, los míos y los de mis enemigos. Six jours de mort pour nos ancêtres et pour les nôtres. Souvenir et respect, mes peines sont fautes. Six jours de deuil ont fait, les morts y ont pris leur esprit. J'ai sur la tombe de mien et puis de mes ennemis. Día de muertos, recuerdo mis ancestros y palos nuestros, respeto les demuestro. Vamos para adelante a festejar este luto, los míos y los de mis enemigos. Demain sera fait de haine, demain sera fait d'amour. D'amour et de peine, demain sera fait tout court. Demain sera fait de haine, demain sera fait d'amour. D'amour et de peine, demain sera fait tout court. Mission, résurrection, éveil des peurs et obsessions. Des lois d'un démon, des têtes vont tomber, chico, donne-moi des noms. Des jours pour aider nos problèmes, nos peines et nos haines. Et j'essaye même d'oublier le tort que je sème à ceux que j'aime. Mon cœur est jalousie après tout son d'humain morte. En moi, ce sont de bêtes mortes qui jamais ne me mordent. J'imagine la vie des hommes tenant sur tout fil. Et la mort, une flèche en trajectoire précise qui te file. Aïe, madrecita, mi familia, c'est tout ce que j'ai. Et un panache d'enfoiré au mic, tu me reconnais, tu le sais. Parole et respect, ouais. Mais Big Red, comment savoir de quoi demain se refait. Dans ce monde où les crottins sont tous en danse, aujourd'hui mon sera fatal pour certains dans la ville. Quand un monde décor, tu seras tout sans tranquille. Fais un plaisir, c'est bien, mais le mal c'est plus facile. Il faut que des personnes meurent pour que des gens naissent. Le sang et la sueur ici se déversent. On fait qu'il des points forts et des faiblesses. La vie fait l'amour à la mort et de naissance au DS. Es día de los muertos, noche con luz para los ancestros y para los nuestros. Recuerdo les demuestro. Vamos para adelante a celebrar este luto, los míos y los de mis enemigos. Six jours de mort pour nos ancêtres, pour les nôtres. Souvenir et respect, mes peines sont fautes. Six jours de deuil ont fait, les morts y ont pris leur esprit. Je vais sur la tombe de mien et puis de mes ennemis. Día de muertos, recuerdo mis ancestros y para los nuestros, respeto les demuestro. Vamos para adelante a festejar este luto, los míos y los de mis enemigos. Previas de vatos, ramène mes sauces et pirimatos. Rien n'est gratos, tu sais, pédance et fiches, tous les nôtres. Pas besoin de se bourrer la gueule pour aller jusqu'en bout. Pas besoin de gueule gros pour redevenir fou. Juste prends les couilles, ici la flamme ne sert plus. Va falloir mettre tes tirs en action, ouvre la fenêtre et tire dessus. Pas besoin de se bourrer la gueule pour aller jusqu'en bout. Nous on baisse pas, nous nique pas, mais on a craint tout. Encore une histoire de base dans ces côtes-là. Nous ce qu'on veut c'est niquer, y'a tres puntos à trois. Pourtant mon assiette, on va pas en rester la place. Sans gain que rien n'arrête, même pas les soldats. 4 ans de prendre tes clics, ton bloc on y va. Les règles du jeu défendront le bloc et la blague. Onda ganga kika, aquí llegamos ya, es una llena. Juicio por las avenidas pana, tequila con ranchera pa' mi gente mexicana. Soy colombiano, disparo con sarbacana. Le pouvoir se lingue, se prend mon gain. Plus de sale bouffe, digne de cabra. Tous en contre-attaque, la même heure se répand. Les carnales s'arrivent, ensemble les endroits. Aquí somos los bacanos, no cantamos chucherías. Big Red y Roca mero mero para vida. Es día de los muertos, noche con luz para los ancestros y para los nuestros, recuerdo les demuestro. Vamos pa'lante a celebrar este luto, los míos y los de mis enemigos. Six jours de mort pour nos ancêtres, pour les nôtres. Souvenir et respect, mes peines sont fautes. Six jours de deuil ont fait, les morts y ont pris leur esprit. J'ai sur la tombe de mien et puis de mes ennemis. Día de muertos, recuerdo mis ancestros y para los nuestros, respeto les demuestro. Vamos pa'lante a festejar este luto, los míos y los de mis enemigos. Original, mauvais garçon, bien joué. Roca banda, les big bad panda, Mike. Ay, ay, ay. Aquí somos los bacanos, no cantamos chucherías. Big Red y Roca, veterano para la vida. Aquí somos los bacanos, no cantamos tonterías. Big Red y Roca, veterano para la vida. Aquí somos los bacanos, no cantamos tonterías. Roca mero mero pa' la vida. Aquí somos los bacanos, no cantamos tonterías. Sandy Big Red y Roca mero.